Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. C'était en fin de semaine les qualifications canadiennes. Et on va parler avec notre nouveau chroniqueur de patinage de vitesse sur courte piste du côté national. C'est François-Olivier Roberge de la Fédération québécoise de patinage de vitesse. Bonjour François. François, est-ce que tu m'entends? Allô? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, on a eu des petits problèmes au départ. Donc, c'était en fin de semaine la première qualification canadienne. À quoi ça sert, pour les gens qui se posent la question, à quoi ça sert cette qualification-là? Oui, c'est la sélection pour les premières Coupes du monde d'automne. Donc, il y a deux blocs de Coupes du monde là, en patinage de vitesse, autant en courte piste et autant en longue piste. Là. Donc, okay. En courte piste, il y a le bloc d'automne, puis il y a le bloc d'hiver, puis il y a quatre Coupes du monde à l'automne. Donc, la sélection, qui est toujours dans ce coin-là, là, en septembre, sert de vraiment, comme vous dites là, une qualification pour savoir qui va participer aux premières Coupes du monde. Donc, on fait une compétition avec les 16 meilleures filles, les 16 meilleurs gars du pays. Puis, faut terminer parmi les quatre premières filles, quatre premiers gars pour s'assurer une place en Coupe du monde. Puis ensuite, il y a deux autres places qui vont être attribuées là, par le comité haute performance de la GPS Canada. Donc, c'est pas nécessairement le cinquième, sixième au classement de la compétition qui vont en Coupe du monde. Là. C'est le comité qui décide, là, qui se laisse une marge de manœuvre. En fait, on va prendre un exemple. Là, Marianne Saint-Gelais, le courte-piste étant ce qu'il est, disons qu'il lui arrive quelque chose dans plusieurs courses, des disqualifications, peu importe, mais qu'elle prouve qu'elle est clairement meilleure que les autres, ben ils vont quand même, puis elle finit cinquième, disons, mais ils vont quand même l'envoyer. C'est pas dramatique. C'est les quatre premières assurées, mais 5-6 ensuite, c'est la fédération se donne un jeu. OK. Donc, c'est encore, c'est Marianne, encore une fois, avec Kim Boutin qui ont été les meilleurs. Oui, Marianne a été très, très bonne, effectivement. Elle poursuit sur sa lancée de l'année dernière, une année extraordinaire où elle s'est améliorée là, côté force, côté tactique, côté mental. On l'a vu d'ailleurs remporter son premier titre mondial l'année dernière là, au championnat du monde aux 1500 mètres. Elle continue sur cette lancée-là. Mais effectivement, Kim Boutin de Sherbrooke, qui fait un retour l'année dernière, a eu des problèmes de santé, revient cette année super bonne. Vraiment, elle chauffait Marianne dans plusieurs courses. Ouais. Et Marie-Ève Drolet aussi, qui était super bonne. Vraiment, les trois avaient peut-être une petite avance, les trois filles. Là. Il y avait Marianne, il y avait Kim, puis Marie-Ève pas très loin. Marie-Ève qui a quand même fait 5 podiums en fin de semaine. Marie-Ève qui finit 3e au cumulatif de la compétition, donc qui s'assure d'aller aux 4 premières Coupes du monde. On sait que Marie-Ève a eu un enfant là, il y a un an et demi, je crois. Donc, l'année dernière, elle patinait, mais c'était un retour. Là. C'était un retour à la compétition après avoir accouché. Donc là, c'était vraiment sa vraie première compétition dans les mêmes conditions que les autres filles, avec autant d'entraînement. Puis on a vu qu'elle était encore vraiment, vraiment dans la game. Là. Une super bonne compétition pour Marie-Ève. C'est incroyable. Cette fille-là m'impressionne. 34 ans, jeune maman, c'est pas facile. Moi, J'ai perdu un peu, je vous ai manqué la dernière question. Oui, donc elle m'impressionne vraiment cette femme-là. Tu sais, 34 ans, elle a un enfant, c'est pas facile. Tu sais François, tu n'as eu un enfant de dernièrement. Tu sais que c'est, mais en plus elle, c'est une maman. Donc vraiment là, jauger et jumeler sa carrière de patineuse à être maman, c'est quelque chose. Là. Puis 34 ans non plus, c'est pas facile à 34 ans non plus. Là. La compétition est forte. Là. Ah oui, la compétition est excessivement forte. Puis au Canada, de surcroît, elle n'est pas dans un pays où son sport traîne de la patte puis où c'est facile de se classer dans l'équipe nationale. Courte piste, on sait, est excessivement compétitif. Puis elle est là, elle est encore au sommet. Puis ça fait des années qu'elle est là, hein, Marie-Ève, là, c'est pas une nouvelle venue non plus. Donc elle était là, elle est partie, elle a fait d'autres trucs, elle a étudié elle a eu son enfant, puis finalement, elle revient, puis c'est très impressionnant, en effet. Là, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'elle serait aussi bonne que ça là, après son retour. Puis là, elle prouve là, qu'elle est encore dominante, puis qu'elle va être là jusqu'aux prochains Olympiques. OK. Si on parlait maintenant de Cassandra Bradley, troisième position, c'est aux 500 mètres. Est-ce que dans le cas de Cassandra, est-ce qu'on peut dire que c'est décevant ou c'est quand même bien? Non, j'ai parlé à Cassandra... Ben, tu sais, le courte piste, on sait jamais. Des fois, on regarde juste les résultats, puis on se dit que, bon, c'était pas nécessairement... Juste en regardant les résultats, c'était peut-être pas sa compétition. Mais je lui ai parlé, puis elle m'a dit qu'il y a eu beaucoup de trucs qui étaient hors de son contrôle. Elle a se trouvé en forme, elle a aimé de la façon qu'elle a patiné. Enfin, elle a dit, j'ai eu des très bonnes courses, j'ai eu des courses plus moyennes. Puis elle a un podium, elle a fini cinquième au cumulatif. Donc, comme on disait, cinquième au cumulatif, ça laisse la possibilité d'être l'un des choix discrétionnaires. Puis, ben, l'an passé, elle avait terminé la saison avec une médaille en championnat du monde. Donc, j'imagine, on peut vraiment pas parler là, de, je sais pas ce que le comité va faire, mais elle, du moins, elle a l'air, je dirais pas qu'elle était très satisfaite, mais elle restait positive, puis elle était satisfaite de la façon qu'elle avait géré sa compétition. Okay. Surtout ça, j'ai aimé ça. Il y a beaucoup de patineurs et de patineuses qui ont vu cette compétition-là, puis je crois que c'est la bonne façon de le voir. Là, comme oui, on veut être bon, oui, on veut aller vite, oui, on veut gagner, mais c'est une compétition aussi pour apprendre. Cassandra avait l'air dans cet état d'esprit-là. Elle est allée apprendre, elle est allée pour patiner vite, elle l'a fait, mais ça n'a pas été comme elle voulait parfaitement. Mais elle a aimé de la façon qu'elle a géré sa compétition. Puis c'est bon en début de saison aussi là, de sortir avec cette confiance-là. OK. Chez les hommes, Charles Hamelin, trois fois deuxième. On voit vraiment là, que ça... il y a un jeune qui s'appelle Samuel Girard qui lui progresse vraiment. Oui, Samuel est impressionnant. Ouais. Samuel n'a pas connu le début de compétition peut-être qu'il voulait. Il était un peu plus discret. Puis finalement, il a terminé sa journée de sa compétition dimanche avec deux premières positions devant Charles Hamelin de surcroît, dont une fois que c'est un dépassement là, dans le dernier virage. Sam est vraiment bon, il est vraiment impressionnant. Il y a Charles Hamelin, puis il y a Samuel Girard qui le suit. Il y a Charles Cournoyer aussi qui a été très bon. Là, oui. Les trois ont été dominants. Mais oui, Samuel, j'aime aussi, ben, tout le monde le dit, là, son approche de la compétition, son approche de l'entraînement, son sérieux, il est super. Tu sais, puis je l'ai entendu dire aussi, les gens parlent de moi, est-ce qu'il va tasser Charles Hamelin? Tu sais, lui, il voit pas que ça comme ça. Lui, il veut être le meilleur patineur au Canada. Il veut être le meilleur qu'il peut être lui-même. Puis ben oui, à un moment donné, ça fait qu'il va possiblement arriver à tasser Charles Hamelin. Oui, c'est le but, mais lui, il voit pas comme ça. Lui, il veut juste être à son meilleur. Puis là, on voit que vraiment, là, il commence à le devenir. Il commence à vraiment. Il est jeune en plus, Samuel. Là, puis ouais. Il commence à être dans le top. Là. Encore de très belles années devant lui. Puis c'est plaisant parce que Charles Hamelin puis lui sont des super amis. C'est pas des gros. C'est pas des rivaux qui se détestent. Au contraire, les deux s'adorent. Puis c'est bon pour ce qu'on voit sur la glace. C'est un super beau spectacle. Puis c'est bon pour le patinage de vitesse canadien et québécois. OK. Donc bravo évidemment. Puis Samuel Girard a toujours été vu comme étant le dauphin de Charles Hamelin. Là. Oui, c'est comme ça. En fait, il a été surnommé assez jeune, le futur, le nouveau Charles Hamelin. Parce que je pense pas que lui, je pense pas qu'il tripe beaucoup à se faire dire qu'il est le nouveau ou le futur Charles Hamelin. Là. Lui, il dirait qu'il est le futur ouais, lui-même. Là. Ouais, c'est mais oui, c'est en fait, c'est parce que ça fait des années qu'on voit Charles au sommet, puis ça fait 10 ans qu'on voit Charles au sommet, puis qu'on se demande qui va venir prendre sa place, ou du moins peut-être pas prendre sa place, mais qui va être là après Charles Hamelin. Puis là, ben, ça fait déjà une ou deux années qu'on se rend compte que Samuel Girard va possiblement être lui avec Charles Cournoyer, avec d'autres, là, mais Sam Girard se démarque là, dans le lot des futurs prétendants à ce spot là, de meilleur Canadien. OK. Donc, ce que tu as vu en fin de semaine, il n'y aura pas vraiment de surprise. Donc, c'est encore la même gang qui devrait être là. Donc, encore une fois, on devrait performer. Ben, moi, non, oui, vraiment. Mais moi, ce qui m'a, je dirais pas surpris, là, c'est souvent ça, là, mais. Quand je savais que j'allais vous parler, bon, je regardais les résultats, tout ça, puis Marianne Saint-Gelais 1, Kim Boutin 2, bon, OK, mais après ça, Marie-Ève Drolet, Valérie Maltais, Cassandra Barlette, donc on le sait que la gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les filles sont fortes, mais là, on dirait que c'était très, très, très marquant en fin de semaine, surtout avec le retour de Marie-Ève. Il y a Valérie Maltais qui est bonne aussi, qui a un bon état. C'est vraiment agréable de voir que l'équipe canadienne vraiment performe. Donc, il faut pas trop s'attendre à avoir de changements. Hein. Ça va être encore la même équipe, sensiblement. Est-ce que tu es là? Sensiblement la même équipe. Oui, OK. sensiblement la même équipe avec les filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis chez les gars aussi, sensiblement la même équipe. Mais on voit les jeunes qui poussent de plus en plus, là. Ça va pas rester de même encore une décennie, justement. Mais oui, sensiblement, il n'y aura pas de gros changements dans cette équipe nationale-là pour les premières Coupes du Monde. OK. Là, évidemment, là, ça va voir qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. La Chine, les Coréennes vont être encore très forts. Et donc, les Italiennes aussi avec Aria Fontana. Donc, ça risque d'être très intéressant aussi, là. Oui, première Coupe du Monde à Calgary début novembre. OK. Ensuite, ça va à Salt Lake City. Ensuite, on va en Asie. OK. D'ailleurs, la dernière Coupe du Monde d'automne est en Corée du Sud, à l'endroit des prochains Jeux Olympiques. Là, ça aussi, c'est intéressant. OK. Est-ce que la compétition d'Apollo à Ohio va se tenir encore? Moi, j'ai manqué cette question-là, pardon. Est-ce que la compétition d'Apollo à Salt Lake City va être là encore, la compétition? Ah, Ouais. l'événement d'Apollo, Ouais. je sais pas, j'ai pas vu celle-là. OK. C'est vrai que c'est un beau spectacle, ça, mais je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas encore porté attention. OK. Ben, merci beaucoup, François, puis on se reparle très prochainement. Le plaisir, De merci. Patinage de Vitesse Canada, François-Louis Robert.